Merci d'écouter la plus normande des radios. Bonne journée tout le monde à Aubevoye comme à Gaillon. Vous écoutez Espace, il est tout pile 18h et on retrouve l'actu. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous, c'est Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics, et Franck Riester, ministre de la Culture, ont annoncé le déblocage de 21 millions d'euros supplémentaires en faveur du patrimoine. Cette décision signe la mobilisation pleine et entière de l'ensemble du gouvernement au service de notre patrimoine, affirment les deux ministres dans un communiqué, soulignant que cette somme accompagnera l'élan populaire du loto du patrimoine, dont les recettes devraient atteindre 20 millions d'euros. Le Conseil d'État a annulé le décret d'avril 2017 sur la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, jugeant que cette décision n'avait pas été légalement prise, EDF n'ayant pas alors formé de demande pour cette fermeture. Mise en service en 1977, Fessenheim est la doyenne des centrales encore en activité en France. Sa fermeture, qui était une promesse de l'ex-président François Hollande, devait avoir initialement lieu fin 2016, mais elle a été plusieurs fois reportée. Elle est maintenant repoussée à fin 2019, ou plutôt en raison d'un nouveau retard dans l'entrée en service de l'EPR de Flamanville dans la Manche. C'est un seuil inédit. Le nombre de détenus en France atteint un nouveau record en septembre avec 70 714 personnes incarcérées dans les prisons françaises selon les chiffres de l'administration pénitentiaire. Le précédent record avait été établi en juin avec 70 710 détenus pour 60 000 places disponibles. En déplacement à la nouvelle prison d'Aix-en-Provence le 18 octobre, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a dévoilé l'implantation de 15 000 futures places de prison, dont 7 000 doivent être livrées d'ici 2022. Deux colis suspects ont été adressés à l'acteur américain Robert De Niro et à l'ancien vice-président démocrate Joe Biden, selon les autorités américaines. L'affaire a commencé lundi avec un colis envoyé au domicile du milliardaire George Soros, suivi mardi et mercredi de l'interception d'autres colis explosifs adressés à Hillary Clinton et à Barack Obama, ainsi qu'à d'autres représentants démocrates. Enfin, l'Académie française a ouvert la saison des prix littéraires en décernant son grand prix du roman à Camille Pascal pour l'été des Quatre Rois. Le roman raconte l'été 1830 quand quatre souverains se sont succédés sur le trône de France. Conseiller d'État et ancien conseiller de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, Camille Pascal, 52 ans, est historien de formation. L'été des Quatre Rois est son premier roman. Il est également en lice pour le prix Interallié. Sur la plus normande des radios, Matt. Vous êtes au top de l'actu nationale internationale. Voici David Guetta et Sia et Flames. L'après-midi sur Espace, c'est Max.

meilleurs tubes reviennent sur Espace dans un instant. Bonjour, à Écardonville-sur-Eure, Axe Passy-Louviers, le week-end des 27 et 28 octobre, l'école Buissonnière vous invite à venir découvrir une soixantaine de photos montées sur mousse, amateurs, adultes et enfants. Le thème cette année, c'est la matière. Uniquement le fer, le bois, l'eau, la terre, la pierre. Une tombola est organisée pour gagner un des tirages. Venez nous rencontrer et partager vos points de vue sur ces clichés, car des prix coup de cœur du public seront attribués dimanche en soirée. Exposition photo, Écardonville-sur-Eure, samedi 27 octobre, 14h, 18h, dimanche 28, 10h, 18h. Merci à Radio Espace. Bonjour, l'amicale du personnel de la ville du Val d'Azay, quartier d'Aubevoie, organise son salon toute collection les samedis 27 et dimanche 28 octobre de 9h à 18h à l'espace culturel Marcel Pagnol d'Aubevoie, le Val d'Azay. Donc l'entrée est gratuite pour les visiteurs. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Bruno au 02 32 53 22 21. Au revoir. Bonjour, à Écardonville-sur-Eure, Axe Passy-Louviers, le week-end des 27 et 28 octobre, l'école Buissonnière vous invite à venir découvrir une soixantaine de photos montées sur mousse, amateurs, adultes et enfants. Le thème cette année, c'est la matière. Uniquement le fer, le bois, l'eau, la terre, la pierre. Une tombola est organisée pour gagner un des tirages. Venez nous rencontrer et partager vos points de vue sur ces clichés, car des prix coup de cœur du public seront attribués dimanche en soirée. Exposition photo, Écardonville-sur-Eure, samedi 27 octobre, 14h, 18h, dimanche 28, 10h, 18h. Merci à Radio Espace. Can't go fast enough to break free from the bond of your love, and I ain't been strong enough to let go and let God. I can't see clear enough to look past the dust you left behind, and I can't get high enough to forget. ever lost your patience? Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke on. Dans votre voiture, c'était Lost on You. Il est 18h26. Bonne journée tout le monde, ne bougez pas. Juste avant de faire un point sur l'actualité locale et régionale avec le flash d'espace, voici Art of Noise et c'est Kiss sur la plus normande des radios. Bougez pas. La plus normande des radios. En mode souvenir. Écoutez. Espace. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me. I'll show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. You gotta not talk dirty, baby, if you wanna impress me. You can't be too flirty, mama. I know how to undress me. Let me be your fantasy, and maybe you could be mine. You just leave it all up to me. We can have a good time. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. Think I better dance now. We'll be right back. match your shoe size. Maybe we could do the twirl. You don't have to watch Dynasty to have an attitude. L'info régionale, Normandie-Picardie. Bonsoir à tous. Les chiffres du chômage sont tombés aujourd'hui alors qu'au troisième trimestre au niveau national, le nombre de demandeurs d'emploi est en hausse de 0,5% par rapport au deuxième trimestre. En Normandie, on assiste à une diminution du nombre d'inscrits en catégorie A en trois mois, moins 1,3% dans l'Eure et moins 0,7% dans le Calvados. Ce taux est stable en Seine-Maritime. L'Oise enregistre une baisse également de l'ordre de 0,4%. Après la réfection de la place de l'hôtel de ville d'Evreux pour un coût de 5 millions d'euros, dont la moitié à la charge de la commune, lancée contre l'avis de sa majorité, puis l'annonce de la baisse de 2% de la part communale de la taxe foncière sur le bâti, ce manque à gagner a marqué la fronde de certains adjoints à la mairie d'Evreux. Sur les 11 frondeurs d'ailleurs, le maire Guy Lefranc a retiré à deux adjoints leur délégation aux finances et aux associations. Olivier Le Peinteur de La République En Marche et Ludovic Bourrelier du groupe Agir ont donc annoncé la création de leur propre groupe composé des autres frondeurs. Et puis une antenne d'SOS homophobie va ouvrir à Beauvais, Alexandre Léno. Cette permanence comble un grand vide dans la ville-préfecture de l'Oise pour la communauté LGBT, lesbienne, gay, bi et trans, selon Benjamin Guichetot, âgé de 35 ans, l'un des deux Isariens à l'origine du projet. Quand on s'est rapproché de la mairie, ils nous ont accueillis les bras ouverts, on va dire, puisqu'il n'y avait rien du tout et beaucoup de personnes étaient venues. Donc il est amené voir les personnes en région parisienne. Accompagné de Thomas Duré à la création de cette antenne, Benjamin Guichetot avoue qu'à Beauvais peut régner un climat hostile à l'encontre des homosexuels. Je trouve qu'on est vite assez jugé. Je suis bien placé pour savoir parce que je suis en couple. Donc dès qu'on était sur Beauvais ou dans la rue, on nous regardait d'un œil ou alors on nous faisait des petites réflexions ou derrière notre dos on ricanait. J'ai beaucoup vu ça et c'est pour ça qu'aussi on a décidé de faire une antenne pour essayer de faire changer ces mentalités. La ligne d'écoute nationale SOS homophobie au 01 48 06 42 41 recueille les témoignages en semaine de 18h à 22h et le samedi de 14h à 16h et le dimanche de 18h à 20h. Cette antenne locale beauvaisienne rencontrera, elle, les victimes d'homophobie. Nous avons l'intention de faire des permanences pour recevoir les personnes en difficulté. Ça sera certainement le mercredi de chaque mois, à partir, je pense, du mois de décembre. C'est surtout aussi pour libérer la parole, parce que je pense qu'à Beauvais, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là et qui ne peuvent en parler à personne. Selon le dernier rapport publié par SOS Homophobie en France cette année, les agressions homophobes ont augmenté de 15%, soit une agression physique tous les trois jours. C'est ouvert aujourd'hui au Parc des Expositions de Rouen, le Congrès international d'apiculture et d'apithérapie avec de grands spécialistes. Cette première édition va aborder, lors de conférences scientifiques, l'impact des virus sur les colonies d'abeilles domestiques, la potentielle disparition des butineuses ou encore le bilan de l'introduction du frelon asiatique en Europe. Le Congrès de Rouen fait la part belle également à l'apithérapie, une médecine très ancienne qui utilise les produits de la ruche pour se soigner. Tout le monde ne le sait pas, le gouvernement a lancé un site internet pour comparer les prix du carburant en sélectionnant un territoire particulier. Et dans l'Eure, c'est l'ouest du territoire qui affiche les prix à la pompe les plus bas. Pour le gazole comme pour le samplon 98, les Leclerc, Menval et Intermarché de Bernay sont à égalité. Vent, pluie, soleil, brouillard, froid, quel que soit le temps, votre confort, c'est JV Service. La météo en Normandie avec Jean Vasseur et toute l'équipe JV Service. Demain, il faut s'attendre au retour de nuages, voire de quelques averses. Le thermomètre chute avec seulement 10 degrés dans la journée sur le Beauvaisis ou encore le Pays de Bray et le Neubourg. 11 degrés sur Bernay, Louviers, Évreux ou encore les Andelys et 12 degrés sur Pont-Audemer et Gisors. Plomberie, chauffage, dépannage, installation, JV Service Louviers, 21 boulevard Joffre, 02 32 59 73 20. JV Service Rouen, numéro Azur, 0821 020 028. Écoutez, Espace. Espace. La plus normande des radios.

Excellentes vacances tout le monde, merci d'écouter la plus normande des radios en Normandie comme en Picardie. Bonne journée à vous, c'était Dennis Lloyd et Nevermind. Bonsoir tout le monde, ça y est, c'est jeudi le 25 octobre et c'est reparti pour une nouvelle sélection espace avec ce soir à Rouen dès 19h, Made in Darouen, ça se passe au labo Victor Hugo. Ensuite, à 20h, au 106, Soons et Vive la Voix en concert. Et toujours à 20h, au théâtre à l'Ouest, Gilles Alma et son spectacle 100% naturel. On se dirige maintenant vers ce week-end avec ce samedi 27 octobre du côté de l'espace de Forge à Forges-les-Eaux, le concert hommage à Johnny Hallyday organisé par le gang Le Perron. Une dizaine artistes seront présents sur scène, dont les musiciens de Jean-Jacques Goldman. Réservation au 02 32 89 80 80. Maintenant, pour ce dimanche 28 octobre, rendez-vous à Conches-en-Ouche pour la fête de la pomme, du cidre et du fromage. Ça se passe à l'Arboretum. Info www.conches-en-ouche.fr. Et ce dimanche également à Louviers, dans le quartier Saint-Hildevert, 16e fête des petits monstres avec des jeux sportifs, une scène ouverte ou encore un goûter offert par les habitants. Et vous le savez, demain soir entre 19h et 21h, je vous retrouve avec Louis et Mickaël en direct pour l'open show spécial Halloween. Passez une très belle soirée. Espace Radio. Tic-tac. Tic-tac. Tic-tac. Tic-tac. Je suis seul et j'entends tic-tac. Tic-tac. Je suis seul et j'entends tic-tac. Tic-tac. Je suis seul et j'entends. Je veux réparer les pots cassés qu'on s'est offerts. Quand on est bien ensemble, on est dans une autre sphère. Pas la peine de parler, je comprends quand tu soupires. Le langage de l'amour n'a pas besoin de sous-titres. Malade et pour nous soigner, y a pas de toupie. Tu as mon cœur dans tes mains, comment veux-tu que je t'oublie? Tic-tac, je veux te voir rigoler à mes petites blagues. Quand je suis sans toi, je flippe, grave. À nous deux la victoire. Tu veux savoir ce que tu es pour moi? Je veux je suis pour toi. Je veux savoir pourquoi je perds la raison. Tu es tout pour moi. Tu veux savoir ce que tu as pour moi. Je veux savoir ce que je suis pour toi. Tu veux savoir pourquoi tu perds la raison. Je suis tout pour toi. Tic tac. Tic tac. Je suis seul et j'entends tic tac. Tic tac. Je suis seul et j'entends tic tac. Tic tac. Si je te mets à ma place, je me mettrai à la tienne. Je répondrai toujours présent si tu m'appelles. Comme si on était connectés. Je ressens ton mensonge et ton honnêteté. Je me fatigue avec les mots car ils sont pas assez puissants. Une petite voix me dit vas-y, même si c'est épuisant. Tic tac, quand t'es là, pas besoin de mic mac. Je veux pas connaître la fin de l'histoire, mais à nous deux la victoire. Tu veux savoir ce que tu es pour moi? Je veux savoir ce que je suis pour toi. Je veux savoir pourquoi je perds la raison. Tu es tout pour moi. Tu veux savoir ce que tu as pour moi. Je veux savoir ce que je suis pour toi. Tu veux savoir pourquoi tu perds la raison. Je suis tout pour toi. Tic tac. Tic tac. Je suis seul et j'entends tic tac. Tic tac. Je suis seul et j'entends tic tac. Tic tac. Tic tac. Je suis seul et j'attends. Je suis seul et j'attends. Je vais te le dire sans langue de bois. J'ai voulu t'oublier dans d'autres bras. Quand il fallait leur dire je t'aime, je n'avais plus de voix. On s'éloigne sans se concerter, c'est peut-être une histoire de fierté, mais la vie passe vite, puis on arrête de s'éviter. Tic-tac, tic-tac, je suis seul et j'entends tic-tac. Tic-tac, je suis seul et j'entends tic-tac. Je suis seul et j'attends. Je suis seul et j'attends. Disons-nous la vérité, je dirais même laissons-nous guider. Depuis le début nous sommes liés à la seule et l'unique. Immobilière Normande, groupe de 8 agences, 20 conseillers pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90 vous présente votre programme TV. Salut à tous, nous sommes le jeudi 25 octobre. Ce soir sur TF1, alors là je suis content, hein, c'est le grand retour d'une série que j'adore, Munch, hein, déjà tu as l'une de mes comédiennes préférées, Isabelle Nanty, qui est juste géniale, dans le rôle d'une avocate complètement barrée. Et ce soir en plus, tu as Joey Starr en guest star, dans le rôle d'un mec désespéré qui la prend en otage. France 2, Élise Lucet, envoyé spécial. Alors le problème avec eux, hein, c'est qu'ils changent tout le temps de sujet. Normalement, on est censé parler des gens qui subissent des abus de faiblesse, mais rien n'est certain. 22h55, complément d'enquête avec le journaliste qui se prend pour un Américain. C'est presque flippant quand il lance les reportages, t'as l'impression d'être sur CNN. Attention, on va retrouver tout de suite, machin, Le Havre, coke en stock. C'est tout de suite dans complément d'enquête. France 3, Heidi. Et je dois vous avouer que quand j'étais petit, je regardais le dessin animé et je chantais le générique en cachette. Ok, puisque vous insistez, c'est cadeau, c'est pour moi. Heidi, oh Heidi, petite fille des montagnes. Heidi, oh Heidi, petite fée de nos montagnes. J'adore. Canal, la série Castle Rock continue sa petite vie avec des inédits. Arte, The Team, là aussi une série policière, car ce n'est pas parce que nous diffusons des spectacles avec des gens tout nus que nous n'avons pas le droit, nous aussi, à voir notre série policière. M6, la chaîne va encore une fois essayer de vous pourrir la soirée avec les nouvelles aventures d'Aladin. Les filles adorent Kev Adams parce qu'il est trop beau. Bon, et c'est pas la peine de vous mettre en nuisette devant la télé. Il ne vous voit pas, hein? C'est un film. Non, je préfère vous dire la vérité. Le meilleur de la TNT, C8, enquête sous haute tension, 100 jours avec des gendarmes de choc, Sister, j'adore, je suis fan, ta-da-da-da. La famille Adams. Voilà, c'est terminé, on se retrouve demain à la même heure et bonne soirée télé. C'était votre programme TV avec l'Immobilière Normande, groupe de 8 agences pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90. Back in time. Écoutez le meilleur des souvenirs. Got you at breakfast late. That's sur Espace. Surfez sur les années 90. Espace 90. Il est 18h57, quasiment 58. Et oui, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Rencard demain, dernière de la semaine. Je vous donne rendez-vous à partir de 16h. Bonne soirée tout le monde, aussi Skunk and Enzy. Ciao, ciao. Tout le monde, soyez les bienvenus sur Espace en Normandie, en Picardie. Nous sommes le jeudi 25 octobre, il est tout juste 19h, les infos. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. Le Conseil constitutionnel a annoncé qu'il censurait près d'un quart des articles de la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire après avoir été saisi par plus de 60 sénateurs. S'il a écarté les critiques formulées sur le fond contre plusieurs articles de la loi, il a pour des raisons de procédure, c'est-à-dire sur la forme, censuré 23 de ces articles qui étaient au nombre de 98 alors que le projet initial du gouvernement en comptait 17, indique le Conseil constitutionnel dans un communiqué. Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics, et Franck Riester, ministre de la Culture, ont annoncé le déblocage de 21 millions d'euros supplémentaires en faveur du patrimoine. Cette décision signe la mobilisation pleine et entière de l'ensemble du gouvernement au service de notre patrimoine, affirment les deux ministres dans un communiqué, soulignant que cette somme accompagnera l'élan populaire du loto du patrimoine, dont les recettes devraient atteindre 20 millions d'euros. C'est un seuil inédit. Le nombre de détenus en France atteint un nouveau record en septembre avec 70 714 personnes incarcérées dans les prisons françaises, selon les chiffres de l'administration pénitentiaire. Le précédent record avait été établi en juin avec 70 710 détenus pour 60 000 places disponibles. En déplacement à la nouvelle prison d'Aix-en-Provence le 18 octobre, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a dévoilé l'implantation de 15 000 futures places de prison, dont 7 000 doivent être livrées d'ici 2022. Le Parlement européen a voté pour qu'un audit complet soit mené sur les activités du réseau social Facebook plusieurs mois après les révélations du scandale lié à la firme Cambridge Analytica. Mais cette résolution parlementaire est non contraignante. Les eurodéputés réclament davantage de transparence de la part du réseau social et l'invitent donc à autoriser deux organes de l'UE à mener un audit complet et indépendant de sa plateforme. Enfin, l'Académie française a ouvert la saison des prix littéraires en décernant son grand prix du roman à Camille Pascal pour l'été des Quatre Rois. Le roman raconte l'été 1830 quand quatre souverains se sont succédés sur le trône de France. Conseiller d'État et ancien conseiller de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, Camille Pascal, 52 ans, est historien de formation. L'été des Quatre Rois est son premier roman. Il est également en lice pour le prix Interallié.

nouveau. She was your light and she had your heart. The moment you saw her, she was the one. You were just a kid and never felt the heat. First love is deep when you don't expect it. For the first time in your life, you loved so much, you could die. De la prog, Jane Oman en Normandie, en Picardie, du côté de Gisors ou encore de Lyons-la-Forêt. Laissez nouveaux messages 0 950 35 50 50. Écoutez sur Espace les meilleurs souvenirs. Et comme d'hab, vous le savez, à 19h26, on passe en mode souvenir dans l'afterwork. Et ce soir, c'est Gilbert Montagné avec les Sunlight des Tropiques. Et puis, vous le savez, ce samedi, rendez-vous du côté de Forges-les-Eaux avec Espace pour le concert hommage à Johnny Hallyday organisé par le gang Le Perron. Passez une très belle soirée. Soyez prudents sur les routes et puis rejoignez-nous sur les réseaux sociaux comme d'hab, Facebook, Twitter, Instagram, Espace Normandie. Et demain soir, un open show exceptionnel spécial Halloween. On vous a concocté plein d'horreurs. Sous l'équateur du Brésil, entre Cuba et Manille, à l'heure d'été c'est facile. Prends-moi la main, viens danser. J'ai du soleil sur la peau, j'ai dans le cœur un bongo, j'ai dans la tête un oiseau qui te dit tout, viens danser.